Et c'est comme ça que continuent les chemins. 2012, encore une année pour rien. Je fais des chansonnettes pourries depuis 10 ans. Et pas une gloire, donc que du mépris et du vent. Mais c'est la vie petit, c'est ma vie chérie. Et je continuerai quand même. Parfois le rock'n'roll rend la vie si drôle. Et moi je resterai le même. Oh, oh, oh, oh. Voilà ma vie à 20 ans et demi. Je fais de l'échangisme virtuel la nuit. Je suis en études supérieures de cinéma. Plus trop d'espoir, mais heureusement Mathieu est là. Mais c'est la vie petit, c'est ma vie chérie. Et je continuerai quand même. Parfois le rock'n'roll rend la vie si drôle. Et moi je resterai le même. Wow. Amoureux, même si parfois je regrette un peu. Mon avenir est tout tracé, si clair, si net. L'art à tout prix ou une balle dans la tête. Mais c'est la vie petit, c'est ma vie chérie. Et je continuerai quand même. Parfois le rock'n'roll rend la vie si drôle. Et moi je resterai le même. Pam pam pam pam pam pam.